Force ennemie, troisième partie, chapitre 6. C'est à peine si j'ai la force d'écrire à présent, après cet aveu de ce que j'ai, sans doute, perpétré de plus effroyable au cours de toutes mes existences. Je crois que je me suis jetée sur le corps d'Irène et que je l'ai couvert de tendres et sanglotantes caresses. Oui, j'en suis sûre, elle m'a même encore donné de sa bouche meurtrie un baiser qui pardonnait l'impardonnable. Mais Irène s'évanouit, je la crus morte. On venait du reste, on la cherchait, on avait entendu mes cris. Le désespoir et la terreur m'affolèrent de nouveau. Je ne fus plus qu'une bête qui fuyait. Qu'est-il arrivé alors? Il me semble que je me vois tapi dans les broussailles de terribles forêts, bondissant par des savanes blondes et vertes. Après cela, j'ai dû vivre assez longtemps sous de farouches et puissantes frondaisons, de féeries, farouches, puissantes et gracieuses aussi, les plus belles que j'ai vues dans ma vie actuelle, mangeant des fruits étranges, buvant à même les ruisseaux, dormant la nuit dans des arbres, sur de solides et inextricables enlacements de branches. Un jour des gens m'ont pris, dans une clairière, près de la mer. Oui, j'entrevoyais comme un port, des maisons, une ville. Autant que je puis me le rappeler, ils m'ont emporté, ficelé, comme un singe capturé vivant, et m'ont jeté dans une petite pièce noire. Je devais alors être enfermé de nouveau dans une maison de fous, car j'ai entendu là, souvent, des femmes qui criaient, comme celles de Vassetot. Combien de temps ai-je pu rester là? J'ai réussi à m'échapper encore. Comment? Je n'en sais rien. Je me retrouve sur un navire, puis sur d'autres, travaillant machinalement, plutôt abruti que fou. On n'aurait pas enrôlé un aliéné. Un imbécile, c'était différent. Il me paraît que j'ai été à la Guyane, à la Plata, aux îles Malouines, dans l'extrême sud chilien, puis à Valparaiso, où je n'ai pas pensé à demander des nouvelles de Magne et de Nigeau. Je pus toutefois mettre la main sur les aventureux Maboules dans un hôpital d'une petite république, oh très chaude, du centre ou du sud du continent américain. Un accès de fièvre accompagné de délire m'avait fait admettre dans cette maison modèle où mes deux anciens compagnons de Vassetot, qui l'avaient fondée, après s'être vus expulsés du Chili pour propagande religieuse par trop bruyante, étaient à l'époque internés. Considérés comme infiniment peu dangereux, ils circulaient partout, de jardin en jardin, de salle en salle, semant, croyaient-ils, sur leur passage, les bénédictions et les cures miraculeuses, car ils s'imaginaient être devenus des dieux, fortunés hommes. Ils s'étaient, bien entendu, muets en pur esprit, et le proclamaient. Cet oubli absolu de leur corps les rendait presque méconnaissables à force de malpropreté, mais ils semblaient parfaitement heureux. Ce fut dans cette même république centre ou sud-américaine que j'appris une nouvelle qui me navra. Le ministre plénipotentiaire français, un certain monsieur Letellier, ex-gouverneur de la Guadeloupe et dépendance, style officiel, passé de l'administration coloniale à la carrière diplomatique avec cette facilité d'adaptation qui caractérise nos politiciens, était accusé de séquestrer sa femme. Or, comme après quelques semaines de traitement et un sérieux examen médical, on m'a déclaré atteint de crétinisme simple, incurable, mais inoffensif pour toute personne armée d'une solide trique et fortement chaussée, sic. Voici ce que je vois l'un des premiers jours qui suivent ma libération. Je suis parti le matin pour aller m'embarquer au port de Majaderos. La route court dans la forêt équatoriale, illuminée d'émeraudes et de diamants après l'averse, car nous sommes en pleine saison des pluies. Un coude de la carretera, au moment où je contemple, ravi, de grands arbres comme fleuris de neige rosée, où je respire avec une joie sensuelle leur parfum vraiment paradisiaque, on dirait humé du bonheur répandu dans l'air, deux hommes à tête de forçat ou de mouchard sortent d'un fourré à deux pas de moi, emportant un cadavre nu, et çà et là sanglant, de femmes très belles mais émaciées, dont les cheveux traînent sur la terre détrempée. N'est-ce pas une nouvelle folie qui me traverse le cerveau? J'ai l'idée que ces hommes, je les ai vus récemment, que ce sont des infirmiers de l'hôpital d'où je sors. Ils jettent brutalement la morte dans une sorte de fourgon que je n'avais pas encore aperçu, et, avant que je sois sorti de ma stupeur, le cheval s'éloigne au galop sur la route boueuse. La fange vole, éclaboussant le sinistre char de grosses macules jaunâtres, et tout disparaît. Et je reste des heures et des heures là, vautré dans la boue, en proie à une crise de sauvage désespoir. Car, à l'instant où le corps passait si près de moi, j'ai, sans pouvoir faire un seul geste, porter un seul coup au bourreau, oui, au bourreau, je me rappelle mon affreuse vision d'antan. J'ai, malgré la chevelure terreuse, malgré le terrible amaigrissement, malgré tout, reconnu la forme naguère tant aimée d'Irène, de ma petite princesse. Je ne sais pas comment je suis revenu en France. J'ai revu mon frère, mais quoi qu'il ait pu me dire, j'ai insisté pour être ramené à Vasseto, que je ne quitterai plus. Car les grands bâtiments blancs et les jardins profonds seront à jamais, pour moi, hantés par l'exquise des exquises, par l'Irène de jadis, redevenue pareille à elle-même, et qui vient encore de me sourire, nimbée de rayons solaires et de roses de lumière rose, comme elle planait près de la fenêtre où je l'ai vue la première fois. Léonard a demandé à être, de nouveau, chargé de moi. Il m'a rendu son estime depuis qu'il connaît la cause de mon évasion. Je ne lui ai pas raconté la fin du rêve. Il possède maintenant un chapeau melon lilas clair, don d'un jeune interné originaire de la République de Libéria. Et mon Léonard, à tort ou à raison, ne se fie plus aux benzines quand il s'agit de nuances aussi fragiles. Il prend donc, ces temps-ci, je n'invente rien, je vous le jure, des leçons d'aquarelle d'un brave fou, jadis médaillé au palais de l'industrie. À seule fin de pouvoir, si l'occasion s'en présente, réparer lui-même son luxueux galurin au pinceau. Je n'ai plus revu Madame Robinet, qui a épousé en seconde noce un instituteur. S'il lui plaît de se remettre à la calligraphie murale, elle disposera d'un tableau noir et de mines de craie. Je plains dans ce cas les élèves de son mari.